l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout. » On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous. On veut plus vous filer notre avenir en main. Ségrégation raciale, avec des actions bien ciblées. Tu sais très bien à qui faire mal, aux apparences sociales. Regarde ce monde très posé, causé par cette précarité colossale. Ils sont tous focalisés sur ta couleur, ton prêt à porter. Toujours à l'heure pour critiquer. Oh, ils construisent des barrières, car racisme rime avec rime et frontières. Système de domination mis en place, entre ils se battent encore pour la meilleure place. Oh, mais qui traite-t-il de rapace? Cassez-vous entre vous pendant qu'on soutient pour faire surface. Oh, traumatisés, il faut les faire baliser. Car on s'apprête de verbaliser pour des raisons qui n'ont pas lieu d'exister. Oh, traumatisés, il faut les faire baliser. Car beaucoup plus que d'entre eux sont aptes à partir combattre ou faire sauter leur baraque. Well. J'ai la conviction qu'on m'impose des règles, ce n'est pas la science-fiction, ils effacent nos rêves. J'ai la certitude que l'Empire nous menace, une multitude de coïncidences alors conspirer prend place. Prends le bas de combat, les troupes sont hyperactives, on fait un simple constat. Sans mi-PR on s'active, les ennemis ça attire tes oreilles, ça attire dans ton dos, ça attire, on se rapproche de Saturne. Hey, tout est mystère de l'amour à la haine, ce n'est pas l'ouvrage d'un jour, ils nous mettent en quarantaine. On s'exerce sur le brouillon, vu que nos vies sont brouillées, on fume des pilons vu qu'on a que ça pour se débrouiller. Je vois bien dans tes yeux le désespoir, mais garde espoir, j'ai une mémoire, je m'en sers, pas d'histoire que des cernes, le message est cerné. Révolution, l'heure de la révolution a sonné. Mec, je frappe fort, la justice assommée. Rafara, Che Guevara, l'État t'enlèvera tout ce que t'auras comme un cadavre et des rapaces. À cause de qui? Quand l'hiver c'est des clodos qu'on ramasse. La merde elle est connue depuis Jésus, et on se laisse encore se marcher dessus. Dans l'enfer ghetto ou dans les paradis fiscaux, j'imagine Sarko sans aucune gigot. Fume la weed parce que ça rend cool, et je bois de l'agro pour oublier que ça part en couille. Militer, tel est mon objectif. L'humilité, être réceptif. Car le message d'un homme fera le slogan d'une patrie. J'rappe gratuit quand en ce moment c'est la crise. Sous la bannière du PCMLM, c'est mon seul emblème pour affronter tous les problèmes. FPLP, PKK, ETA, EZLN. La résistance, on l'aime, on sème la haine contre Babylon System. Notre drapeau sera rouge, roux du sang des fascistes. On assiste à la montée du fascisme et sa fascine. Opuscule autonome, l'action directe, bonhomme. Je prends la violence politique, nos actions sont prolifiques. Un gros fait pour les flics, les prolétaires se battent avec honneur pour les terres. Les terreurs dans les terres, m'abattons le sionisme, la secte et sa. Sous l'œil des satellites, la pyramide c'est ça l'élite. Faut lire entre les lignes pour déchiffrer leurs signes. La France n'est pas l'Eldorado, la liberté dans le râteau. Même Sarko sa sainteté à sa tête sur la bête à cet été. Leur crée le chaos, nous enfonce au cas où l'homme ne serait pas KO. Des armes face au caillou, c'est le son de la solution. Révolution pour révolution, Néphilim pour révolution. Il ne pleure pas, mais ses larmes coulent à l'intérieur plus de lueur. À quoi s'accrocher dans ce système, il veut pas. Ailleurs c'est la même merde, si ce n'est pas pire, si ce n'est pas pire. Je pense à ce jeune, ce vieux qui fait tout pour s'en sortir. Malgré les honties sur lui, il fait des efforts. Or, lors des entretiens, il n'a pas de chance. Sa différence fait qu'il aura pas la place. Hélas, petit à petit, ils sont mis dans l'alcool, la picole et la drogue. En guise d'échappatoire, la nuit ne dort plus. Il en perd le contrôle, l'illusion autour de lui. Tout le monde lui veut du tort, s'embrouille avec sa femme, sa famille et ses amis. Le regard autour de lui le rend complètement aigri, plus d'appétit. Dans sa tranche, beaucoup trop de soucis. Il se retrouve seul dans son malheur, la comédie. Faut-il qu'on continue à se mentir pour dire que dans notre pays ça va de mal en pire? En haut, seuls les bénéfices les attirent. Babylone amasse ce prélas pendant qu'en bas ça s'empire. Il est temps de mettre un grand coup dans cette fourmilière, remettre les compteurs à zéro comme l'ont fait nos pères. L'inégalité, l'intolérance, et s'il ne rend pas terre, je rêve d'un monde meilleur pour nos enfants sur cette terre. Les années passent mais rien n'a vraiment changé. Seul face à la peur, trop de gens. un tour sur soi-même pour se rendre compte qu'on est seul, donc personne ne te changera à part toi. Naviguer dans ce monde sans boussole appartient à chacun. Certains grandissent sous camisole chimique et d'autres à Chicago. C'est triste à dire, à croire que certains sont nés pour subir et d'autres pour recevoir de la vie tous ces petits cadeaux. Quand je vois comment la nature nous dépasse, je reprends mes rêves qui s'enferment dans le shit. On en oublie que tout est magique. Rien n'est acquis, rien n'est à toi, demande à sa vie. Ce que la vie t'a donné, elle peut te le reprendre aussi vite. Aussi on sait que tout peut devenir tragique. L'équilibre c'est comme la croûte terrestre fragile. De la route as-tu vu le film de sensible? Qu'est-ce qui te reste de sensé? Rien que des archives. Babylone chasse les sons, les met en place les autres. Il est juge absolu, il pilote. Les bonnes parts du gâteau vont toujours d'un spot. Pour les démunis il n'y a plus grand chance. Plus de genoux pliés sous le poids des pressions. Plus de dos voûté et de baillons. Il est temps maintenant qu'il paye l'addition. Rassemblons-nous et passons à l'action. Soulèvement des opprimés, plutôt pour l'égalité. Des droits souvent bafoués, unis on peut arriver. Soulèvement des opprimés, plutôt pour l'égalité. Des droits souvent bafoués, unis on peut arriver. J'aime cette liberté quand elle s'arrête là où commence celle des autres, mais sans légèreté. Quelle que soit l'agression, lutte contre l'oppression des puissants qui sur le peuple font pression. J'aime l'égalité dès qu'elle reste impartiale, preuve d'égalité. Je parle pas de cour martiale, trop de jugements rendus, pas toujours équitable. Fondre nous c'est coupable, facilement étiquetable. J'aime la fraternité sans l'hypocrisie qui va avec. Donc je préfère la paternité, on le sait. Pour mieux régner, nous divise. Les mêmes vont saigner, vu que leur fusil vise. Je rappe en bonnet phrygien aux côtés de Marianne et en full feu. Plus que le décollage d'Ariane, tant les symboles de ce pays nous appartiennent. Un jour changer la donne, pourvu qu'on y parvienne. Toi tu n'entends pas tous les cris et toute la douleur. Moi je sais qu'on peut vivre tous ensemble dans un monde meilleur. Toi tu ne vois pas, tu t'étonnes et tout ça m'écœure. Mais le jour va venir, ils finiront par payer leurs erreurs. Les bras croisés à mater toutes ces horreurs, ça se bouscule dans ma tête. Ce que je vois ce n'est pas des hommes, et chaque jour ça se répète. Que reste-t-il quand tu perds tout? Beaucoup de race, trop peu d'amour. Moi je n'en ai plus rien à foutre. J'fuck Babylone. Ok, v'là mon 16, viens pas pour te mettre à l'aise, mais parler pour ceux qui se taisent et souffler sur les braises, car c'est un art. Quand tu mens, attention, monsieur Nicossard et tes arguments, tension. Ça ne voit pas l'exclusion des plus faibles. Improductif, ça congèle la nourriture pour garder les coûts productifs. Ça rémunère les banques qui font de gros profits. C'est avec nos salaires et maths la commission sur les crédits. Ça dit que les vraies valeurs sont les valeurs financières. Et plus ta vie est belle, et plus ta vie est chère. Ça crée des héros, sportifs et stars blindés de millions. C'est pas grave si le frigo est vide, y'a la télévision. Ça a du mal à reprendre sa respiration. En apnée, en pleine crise, dur de faire opposition. Et ça, c'est nous-mêmes qui faisons tout ça. Mais il est plus facile de dire qu'on peut changer tout ça. Ouais, c'est woy woy, mais ils nous prennent pour des cons. Ouais, c'est show woy, on pousse le son en avant. Ouais, c'est woy woy, on décapite les patrons. Ouais, c'est show woy, on mène la révolution. Ouais, c'est woy woy, mais ils nous prennent pour des cons. Ouais, c'est show woy, on pousse le son en avant. Ouais, c'est woy woy, on décapite les patrons. Ouais, c'est show woy, on mène la révolution. Ils donnent des milliards à des quebans, nous traitent de délinquants. Parce qu'on vient d'un quartier, ils nous voient comme des singes savants. Ils salissent notre image aux infos et aux JT. Pour celle de l'électorat, ça vit dans nos cités. Mais le peuple n'est pas dupe comme un mouton égaré. Le jour va arriver où l'Élysée va brûler. Unissons nos forces pour enfin y arriver. Soyons solidaires pour que le système puisse changer. Ouais, c'est woy woy, mais ils nous prennent pour des cons. Ouais, c'est show woy, on pousse le son en avant. Ouais, c'est woy woy, on décapite les patrons. Ouais, c'est show woy, on mène la révolution. Ouais, c'est woy woy, mais ils nous prennent pour des cons. Ouais, c'est show woy, on pousse le son en avant. Ouais, c'est woy woy, on décapite les patrons. Ouais, c'est show woy, on mène la révolution. On en a plein le cul de ces mecs qui s'en mettent plein les poches, qui creusent un écart qui est inadmissible.